Es-tu là? Il y avait jadis deux frères, sans conseil de père et de mère, et sans autre compagnie. Pauvreté fut bien leur amie, car elle fut souvent leur compagne. C'est la chose qui tracasse le plus ceux qu'elle assiège. Il n'est pire maladie. Ensemble demeuraient les deux frères, dont je vous conte l'histoire. Une nuit, ils furent en grande détresse, de soif, de faim et de froid. Chacun de ces maux s'attache souvent à ce que pauvreté tient en son pouvoir. Ils se prirent à se demander comment ils pourraient se défendre contre pauvreté qui les accable. Souvent, elle leur a fait éprouver de l'ennui. Un homme connu pour sa richesse habitait tout près de leur maison. Ils sont pauvres, le riche est sot. En son jardin, il a des choux et à l'étable des brebis. Tous deux se dirigent de ce côté. Pauvreté rend fou bien des hommes. L'un prend un sac à son cou, l'autre un couteau à la main. Tous deux se sont mis en route. L'un entre dans le jardin, promptement, et ne s'attarde guère. Il coupe des choux à travers le jardin. L'autre se dirige vers le bercail pour ouvrir la porte. Il fait si bien qu'il l'ouvre. Il lui semble que l'affaire va bien. Il tâte le mouton le plus gras. Mais on était encore debout dans la maison. On entendit la porte du bercail quand il l'ouvrit. Le prud'homme appela son fils. « Va voir, dit-il au jardin, s'il n'y a rien d'inquiétant. Appelle le chien de garde. » Le chien s'appelait Etula. Heureusement pour les deux frères, cette nuit-là, il n'était pas dans la cour. Le garçon était aux écoutes. Il ouvre la porte qui donne sur la cour et crie « Etula ! Etula ! » Et l'autre, du bercail, répondit « Oui, certainement, je suis ici. » Il faisait très obscur, très noir, si bien que le garçon ne put apercevoir celui qui lui avait répondu. En son cœur, il crut, très réellement, que c'était le chien. Sans plus attendre, il revint tout droit à la maison. Il eut grand peur en y entrant. « Qu'as-tu, beau fils ? » lui dit son père. « Sire, foi que je dois à ma mère, et tu là viens de me parler. »« Qui ? Notre chien ?»« Oui, par ma foi. Si vous ne voulez m'en croire, appelez-le à l'instant, et vous l'entendrez parler. » Le prud'homme d'accourir pour voir cette merveille. Il entre dans la cour et appelle « Es-tu là, son chien ?» Et le voleur, qui ne se doutait de rien, lui dit « Mais oui, je suis là !» Le prud'homme s'en émerveille. « Par tous les saints et par toutes les saintes, mon fils, j'ai entendu bien des merveilles, mais jamais une pareille. Va vite, conte ces miracles au prêtre, ramène-le et dis-lui d'apporter l'étole et l'eau bénite. »